Keto, keto, rockstar, rockstar. Wesh, l'exo, ça dit quoi? C'est quel? Gras. Original, bunker, bros, bande d'enfoirés. C'est toujours avec le fou, la force, les rôdeurs. Picrave des rimes et pas des kilos de coke, le quiproquo. Je suis encore loin du Porsche, mais près du Sirocco. On voudrait tous faire péter le coffre d'un casino barrière. Avec le temps, je compte plus les gens qui ont voulu niquer nos carrières. Fantôme à l'assassin, je ne sais même pas si j'ai des femmes. Haïe des femmes, je suis prête à 2-3 rimes de ciné chez Def Jam. Putain d'époque, ça devient un taf d'esquiver la misère. M'appelle pas frère car je me méfie de la famille comme un Lannister. Vu sur la mer, l'astre solaire me fera griller la tête. Des pieds dans la mer, tu pas la star qui fera briller la tête. Je passe mon temps sur Tinder, Facebook ou sur Mythic. J'aurais fait disque d'or si je passais du temps sur mes disques. Oli, à part du temps, j'ai plus grand chose à perdre. Je prends pas d'oseille car depuis 2006 on vend à perte. Pour 200 vues, combien de rappeurs seraient prêts à vendre leur mère? Putain des potes, t'as du coca au frais, serre-moi un verre. J'esquive les connasses, les michetos et les carpas cruels. Regarde ma tête, tu ne la verras jamais dans une gare pas cruelle. 12 piges de rap, j'ai jamais pris un euro sur ma vie. C'est tragique dans la zik, y'a plus de rats que de pirates sur le navire. Remballe ton verre de Jack, j'en ai pas besoin pour écrire. C'est toi qui te bourre la gueule, au final c'est moi qui suis bourré de rimes. Les rappeurs poussent le cri, moi je leur conseille d'ouvrir des livres. L'espoir fait vivre, pour ça que je m'en prive pour leur offrir des rimes. Bref, je sais que la musique, j'en verrai jamais le chèque. J'ai le cul entre deux siècles, tombé par terre, j'aurais dû changer de chaise. Ou changer de chaîne pour réussir, j'irai pas changer de sexe. Je veux toucher le ciel. Mes privés d'envol comme à Charmel Chèque. T'aimes les rimes, j'en mets de chèques. Font la force dans mes 16. Retourne pousser de la fonte, t'auras mon talon dans tes rêves. Qu'est-ce que la vie me réserve? Je sais pas, mais ça va le faire. Nos jours, t'as réussi ta vie si t'as chopé un sale à mèche. Don't you dare look out your window, darling, everything's on fire. The world outside your door keeps raging on.